veulent pas changer, je me suis pas soulagé, mon état a été ravagé, jamais mes blessures n'ont été épongées. Je n'ai pas changé, je me suis pas soulagé, mon état a été ravagé, jamais mes blessures n'ont été épongées. Je n'ai pas changé, je me suis pas soulagé, mon état a été ravagé, jamais mes blessures n'ont été épongées. J'ai eu la honte dans un passé qui me hante. Où est passée ma putain d'enfance, je chante. J'ai beau tout pardonner, j'ai un pied bloqué dans la fente. Mon secret n'est pas en vain, malgré mon âge, y'a toujours des images. Je garantis que c'est pas des mirages. J'aimais coucher sur un nuage, plutôt jouer le sauvage. Qui a dit que j'avais la rage, que mon micro me soulage. Et tout s'impose dans ce moulage d'un délinquant toujours en rodage. La bouteille en cible pour une réussite impossible. L'heure chez moi ressemble à une cuillère de pâte. Je sors de la galère par la fenêtre de votre appart. Les séances de ma chambre m'épate, les posters type putain de rappeur me mate. Le jour où j'étais en partant pour la rade, ma mère à terre me notait à jouer le fier. Le regard était sincère, un reflet de misère. Puis dans ses tiennes, il y avait plus de lumière. J'en ai perdu ma visière, l'instant culé accélère. Je n'ai pas changé, je me suis pas soulagé, mon état a été ravagé. Jamais mes blessures n'ont été épongées. J'ai pas changé, je me suis pas soulagé, mon état a été ravagé. Jamais mes blessures n'ont été épongées. Accusé coupable, la couronne du diable, le cul sur un banc périssable comme un con. Et bien note ma déposition, cherchant où était ma position. Assis dans ma cellule, à tenter d'avaler la pilule. Et cet arbre n'a jamais vu de virgule, pendant que les balances étaient libres. Le jeu sur moi a pointé le cali. Pardonne-moi maman, j'ai joué, j'ai perdu, j'en paye les conséquences. Je pars pour un temps pénitent, dans ce coup je n'ai pas eu de chance. Et je t'ai quitté, pas pour des vacances. C'est pas de ma faute, mais la faute t'a pas de chance. Si j'en ai déjà une crainte, bâtard que je suis, c'est pas ma faute, c'est ta joue que strange. Je vous laisse un peu qu'on réalise que seul je pallie. Au lieu de ça, c'est la solitude qui s'est pointée avec ses valises. De moi-même, je rivalise pendant qu'on croit encore au Père Noël. Je voulais voir mon père sans bouteille, je voulais rejeter mes torts dehors. J'en ai usé des si fort, trouvant la rue comme réconfort. J'ai cru être fort alors que j'étais qu'une merde. La violence m'a rendu raide, alors c'est coupable que je plaide. Je n'ai pas changé, je me suis pas soulagé. Mon état a été ravagé, jamais mes blessures n'ont été épongées. Mon état a été ravagé, jamais mes blessures n'ont été épongées. Je n'ai pas changé, je me suis pas soulagé, mon état a été ravagé, jamais mes blessures n'ont été épongées. Je n'ai pas changé, je me suis pas soulagé, mon état a été ravagé, jamais mes blessures n'ont été épongées. Je n'ai pas changé, je me suis pas soulagé, mon état a été ravagé, jamais mes blessures n'ont été épongées. Mon état a été ravagé, jamais mes blessures n'ont été épongées. Je n'ai pas changé, je me suis pas soulagé. Mon état a été ravagé, jamais mes blessures n'ont été épongées. Je n'ai pas changé, je me suis pas soulagé. Mon état a été ravagé, jamais mes blessures n'ont été épongées.